une histoire particulière. À l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, Marie Chartron et Yvon Croisier ont choisi de nous raconter hier un épisode discret de l'histoire allemande de ces dernières décennies, la publication accidentée d'un journal singulier. Berlin, janvier 1990. La RDA n'a pas encore disparu. Stefan Rett et Klaus Wolfram, éditeurs, réceptionnent le premier numéro du premier journal hebdomadaire indépendant de RDA, Die Andere. En français, l'autre. Le papier est une denrée rare à Berlin-Est, en raison de la pénurie organisée par le monopole d'État. Ils ont dû trouver un imprimeur qui accepte de prendre en charge à crédit les 100 000 exemplaires de leur premier numéro, conçus dès la fin de 1989 par d'anciens opposants. Aujourd'hui, rencontre avec Peter Sodan et sa formidable bibliothèque contre l'oubli. Nous sommes dans un village en Saxe centrale, entre Meißen et Riesa. Et ce que je fais ici, c'est une histoire qui touche à la destruction de la littérature allemande. À la réunification, on a commencé à détruire beaucoup de livres écrits et imprimés en RDA. Des millions de livres qui ont été retirés des écoles, des entreprises, des villages, etc. Les gens ont jeté des livres. Tous les libraires ont jeté des livres. RDA, souvenirs de papier, épisode 2. Peter Sodan, une bibliothèque contre l'oubli. Marie Chartron, Yvon Croisier. L'origine de toute cette histoire, c'est une fillette de 10 ans. Elle est venue me voir et m'a demandé de me rendre à la maison des syndicats de Halle. Il se passait là-bas quelque chose qui ne plaisait pas à ses parents. J'ai dit à la petite fille, « S'il te plaît, retourne voir tes parents et dis-leur de s'en occuper eux-mêmes. Ce n'est pas mon affaire. » Et elle m'a dit, « Non, ils ont peur, c'est vous qui devez y aller. » Alors, je suis allée à la maison des syndicats. Il y avait une grande bibliothèque. Elle avait été vidée. Les fiches de classement, les enregistrements sur bande, la platine vinyle, bref, tout ce qu'on trouve dans une bibliothèque. Et tous les livres, on les avait jetés dans plusieurs camions. Alors j'ai demandé, mais ça part où? Et on m'a répondu, à la décharge de Lochau. Pour trouver Peter Sodan, il faut franchir l'Elbe et se perdre dans la campagne saxonne, traverser les villages, chercher Stauritz et son lieu-dit Staura, au nord-ouest de Dresde. Le maître des lieux descend dans la cour d'une ancienne ferme, un petit homme énergique, né au mi-temps des années 30, qui ne porte pas son âge, escorté d'un chat noir gracile qui ne le quittera pas tout le temps de notre rencontre. Son visage est bien connu du public, car il a incarné de 1991 à 2007 l'iconique inspecteur Bruno Ehrlicher dans la série policière Tatort, sur les lieux du crime, une véritable institution de la télévision allemande. Mais celui que l'on estampillait premier commissaire de l'Est dans une série de l'Ouest fut aussi acteur au Berliner Ensemble, le théâtre de Brecht dans les années 60, et directeur du théâtre de Halle pendant 25 ans. Et je me suis dit, je vais récupérer tout ce qui se vendait en RDA, officiellement ou sous le manteau, par exemple les livres défectueux, dans tous les cas, tout ce qui a été imprimé, J'ai commencé à ce moment-là. Alors les gens m'ont apporté leurs livres, ceux qui n'étaient pas en accord avec l'ancien gouvernement, ceux qui étaient d'accord avec le nouveau. De toute façon, à ce moment-là, c'était un tel chaos en Allemagne. Chaque Allemand avait un avis différent. Mais moi, je pense que ce qui se publiait en RDA a une grande valeur et que c'est susceptible, peut-être, d'apporter un peu de lumière dans les têtes à l'avenir. C'est pourquoi je les collecte. Vincent von Wroblewski, vous êtes né en 1939, oui. En France, oui. Et vous avez été citoyen de RDA de 1950. À 1989, de 10 ans à 50 ans. Oui, d'abord, il y a mes parents qui ont émigré d'Allemagne en 1933, ce qui fait qu'ils m'ont mis au monde en 1939 à Clermont-Ferrand. Mon père a une part active à la résistance dans la Creuse, et il meurt en 1944, et ma mère se retrouve seule dans un petit village de Moutier-Roseille avec ses deux gamins. Et en 1950, elle apprend que en Allemagne, il y a une partie où on a fondé un État antifasciste démocratique, comme il s'appelait à l'époque, et un ancien camarade lui dit, dans ce pays, tes enfants auront un avenir. Donc, elle rentre à Berlin, sa ville natale, avec mon frère et moi. Et à la fin des années 1980, vous travaillez à l'Académie des sciences de RDA, oui. Donc vous êtes au cœur de la pensée, peut-on dire ? C'est censé être la pensée, oui, je suis à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences. L'Académie, ça trompe un peu le terme, c'est comparable au CNRS, où je travaille comme spécialiste de la philosophie française contemporaine, surtout XXe siècle, où j'ai fait ma thèse sur Jean-Paul Sartre, où je suis censé publier des articles, etc. Qu'en était-il des livres en RDA ? De quelle manière étaient-ils publiés ? Quelle forme de censure pouvait s'exercer ? Il y avait plusieurs catégories d'auteurs, évidemment. Il y avait des auteurs des RDA qui étaient tout à fait dans la ligne, qui avaient des fonctions, comme Hermann Kant ou d'autres, qui, même certains étaient membres du comité central, du parti. Là, il n'y avait pas de problème. Plutôt, ils négociaient pour les tirages, et c'était une question, combien de papiers y a-t-il à disposition? Parce que ça aussi, c'est un aspect de l'édition RDA. Il y a toujours eu un manque de papiers. Curieusement, il y avait toujours assez de papier pour les affiches du parti, les brochures et tout le matériel de propagande. Ça, c'était pas un problème. Mais pour les livres, c'était toujours un argument et ça limitait les tirages. Et puis, il y avait les auteurs qui n'étaient pas dans la ligne. Par exemple, Sartre, que je publiais, ou évidemment Kafka ou Nietzsche, pour revenir plus en arrière, ou Proust, etc. Donc, des auteurs qui ne correspondaient pas aux critères, là je simplifie beaucoup, du réalisme socialiste. Et ces auteurs-là, évidemment, il y avait une grande demande de la part du public, parce que c'était autre chose. C'était pas l'idéologie officielle, c'était une autre ouverture sur le monde. Et il y avait une grande demande. Et là, donc, le pouvoir cherchait un équilibre. D'une part, c'était économiquement intéressant, ça jouait aussi un rôle. Il y avait le plan à réaliser, donc certains chiffres d'affaires à réaliser, etc. Et d'autre part, il y avait les inquiétudes idéologiques. Nous nous trouvons devant les trois citations que j'ai apposées au bâtiment. La première, ce sont les questions que se pose un ouvrier qui lit de Bertolt Brecht. La seconde, un extrait d'Arthur Schopenhauer. Et la troisième, c'est le monologue de Hamlet. Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée. Tat. Et perdent le nom d'action. C'est une très wichtige Geschichte. Also, c'est essentiel. Das erinnert mich auch an meine Büchergeschichte. Ça me rappelle Sie aussi mon histoire de livre. Vous comprenez? Quand j'ai dit qu'on collectait les livres que l'État jette, au début, j'ai trouvé plein de gens enthousiastes. Et puis, quelques semaines plus tard, ils étaient moins enthousiastes. Vous comprenez? L'humain perd très vite sa volonté. Là, c'est l'endroit où on dépose les livres. Oui. C'est ici que les gens arrivent avec leur voiture, dans leur coffre, les livres qu'ils veulent jeter ou dont ils n'ont plus besoin. C'est mon point de collecte. Allez, on rentre, j'éclaire. C'est le centre où arrivent les livres. C'est pourquoi j'appelle ce petit endroit Marburg. Marburg, c'est une ville d'Allemagne de l'Ouest où a été construit le premier camp pour les réfugiés d'Allemagne de l'Est passés à l'Ouest. J'ai leurs livres, mais les gens sont partis. Mais peu à peu, ils reviennent. C'est un drôle de lieu, assez étrange. Nous sommes dans un ancien corps de ferme, il y a encore les poutres. Et puis, cette collection assez singulière de lustres. Qu'est-ce que ça a à faire dans une bibliothèque, Peter Zodan? Je les collecte aussi. Pour une raison qui traverse aussi les vers de Hamlet que je vous lisais. Il doit y avoir un peu de lumière dans les esprits pour qu'ils pensent mieux. Et d'ailleurs, je vais allumer la lumière tout de suite, d'accord? Nous sommes accueillis par des édifices entiers de carton de bananes qui ont tous le même format. Et ça, Peter Zodan, c'est une image qui est assez compliquée à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas allemand. Ce que représente et la banane et le carton de bananes. Das glaube ich. Aber die Bananenkiste ist die beste Kiste, die sie le carton de bananes est le meilleur carton qui soit pour transporter quelque chose. Premièrement, il traverse l'océan et il arrive quand même intact. Vous comprenez? Deuxièmement, une fois rempli, une femme arrive encore à le porter. Oui, mais pourquoi la banane? Cela remonte à l'époque où Est et Ouest étaient séparés. Der Osten hatte mehr Bananen als der Westen. À l'Ouest, il y avait des bananes. Da bekam die Bananen, aber der Osten nicht unbedingt. Mais à l'Est, pas forcément. L'Est n'avait pas suffisamment d'argent pour acheter autant de bananes qu'à l'Ouest. Ist die Banane ein sogenannter Reizfaktor gewesen. Donc la banane avait fonction d'appât à cette époque. Der Osten sagte, aber was wir alles on racontait des blagues à ce sujet. L'Est disait par exemple « Oh là là, tout ce qu'on a ici !» À quoi l'Ouest répondait « Oui, mais vous n'avez pas de bananes !» Le savoir de l'Est sommeille dans les cartons de bananes de l'Ouest. Et à la chute du mur, on a pu observer, semble-t-il, que les gens se sont débarrassés massivement d'objets du quotidien, mais aussi de livres. Et des caisses entières, des cartons entiers, des bibliothèques entières se sont retrouvées littéralement sur le trottoir. Vous l'avez vu, ça? Je l'ai vu et je pense qu'il y a, là encore, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, si on veut, officiel, où les librairies, les bibliothèques étaient appelées à faire le vide. Donc, ce n'était pas une volonté des gens. Et puis, il y avait les privés qui se disaient, bon, bah. Encore longtemps après, de temps en temps, je vois dans les poubelles, par exemple, où il y a la séparation en Allemagne, il y a les poubelles à part pour le papier. Et j'ai observé pendant des années, on pouvait trouver des livres. Ça, maintenant, c'est pratiquement fini. Vous dites que les bibliothèques avaient reçu l'ordre de se débarrasser de leurs fonds. Je ne sais pas exactement, mais ça, c'est un aspect d'une chose beaucoup plus générale, parce que dès la réforme monétaire, au fond. La vraie unité pour moi, c'est ni le 3 octobre, où c'est la journée officielle, ni la chute du mur, Mais la date essentielle, c'est l'introduction du Mark West en Allemagne de l'Est. Et ça, je l'ai vu sur l'Alexanderplatz. Ça s'est passé un week-end. Tous les magasins, pratiquement, ont dégagé les marchandises de l'Est. Les ont bradées ou jetées. C'est pas que pour les livres. Et je me souviens très bien sur l'Alexanderplatz, pendant ce week-end où la monnaie a été introduite, lundi matin, on pouvait voir sur l'Alexanderplatz, il y avait un grand magasin qui était là, qui est toujours là, qui est maintenant Kaufhof. Ça allait jusqu'aux étagères, jusqu'aux meubles qui présentaient les marchandises. On les trouvait sur la place. Tout avait été vidé pour y mettre tout de suite, parce que ça avait été repris par des grandes chaînes de l'Ouest qui avaient introduit leurs standards, leurs meubles, leurs marchandises. Et donc ça, c'était pour les livres aussi. Moi, je me souviens, j'ai encore dans ma cave, je peux vous montrer, deux paires de chaussures, ça, c'est Salamanda, des chaussures très bonnes, de bonne qualité pour l'hiver. Ce sont des chaussures d'une marque connue occidentale, qui avait été fabriquée en Allemagne de l'Est et qui était vendue en une certaine quantité en Allemagne de l'Est à des prix élevés. Hein, ça s'appelait Gestattungsproduktion. C'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas. Donc ces chaussures, dès l'introduction des marques West, étaient vendues d'un coup à des prix ridicules. Parce qu'il fallait vider les stocks. Et les livres ont subi le même sort. Pour revenir à Sartre, si vous voulez, donc Aufbau et autres maisons d'édition publient des livres de Sartre avec l'autorisation de Rowohlt, où ils l'achètent. Et juste en 89, peu avant la chute du mur, j'étais très fier d'avoir, pour la première fois, pu publier en Allemagne de l'Est Les Mains Sales de Sartre. Parce que Les Mains Sales, c'était considéré pendant très longtemps comme une pièce anticommuniste, et pas question de la publier. J'étais très fier, quelques semaines avant la chute du mur, que le livre sorte. Eh ben, le mur s'ouvre, et immédiatement, cette édition disparaît. Pourquoi? Ben, parce que Rowohlt disait, maintenant, nous vendons nos produits. C'est l'Allemagne unie, plus de raison que les concurrents. Maintenant, c'était devenu des concurrents. Ben, fini. Et c'était la même chose pour tous les produits. On trouvait, après l'été 90, on trouvait plus de produits de l'Est, dans les magasins de l'Est. Ça allait du simple yaourt ou de la lessive, ben, jusqu'aux livres et aux chaussures. La première réaction, c'était tout ce qui est Est est mauvais, tout ce qui est Ouest est bon. Donc, il faut remplacer l'un par l'autre. Donc aussi les livres. Je vais vous montrer maintenant où sont tous les livres et tous les locaux qu'il nous faut pour les stocker. Là, les palettes avec les cartons de bananes vides, prêts à être remplis, parce que j'ai encore deux autres entrepôts. Et on les envoie là-bas, parce qu'ici, il n'y a plus la moindre place. Juste pour qu'on se fasse une petite idée de l'organisation des lieux, bah ça ressemble peu ou prou à une bibliothèque et sont indiqués les différents rayonnages avec l'école, voyage, les livres de photos, santé, sport technique, jardinage, animaux, cuisine. Et là, face à nous, des rayonnages entiers de livres d'enfants. Ici, les cartons sont remplis du même livre en plusieurs exemplaires. C'est écrit dessus pour qu'on puisse les revendre. Car l'État ne soutient rien. Bien que dans le soi-disant traité de réunification figure qu'aucun monument ni quoi que ce soit d'autre ne sera détruit ni emporté. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait en brûlant des livres. Et là, cette petite image, elle me fascine. Cette petite fille qui lit sur les toilettes. Ça me plaît parce que je n'ai pas pu le faire dans mon enfance, car nous n'avions pas de lumière aux toilettes. Also die Bibliotheken entstehen doch, in denen ein Verlag das druckt. Les bibliothèques existent parce que les maisons d'édition impriment, publient des livres. Tout au long de l'existence de la RDA, on compte 260 maisons d'édition. L'Ouest les a balayées. Ici, les éditeurs de livres pour enfants. Et là, c'est organisé par maisons d'édition. Par exemple, là-haut, vous avez les livres scolaires. Ils sont très prisés, car la RDA se représentait sa propre histoire un peu différemment qu'on ne le faisait à l'Ouest. C'est pour la 9e et la 10e classe. Les parents qui ont connu ça demandent maintenant à récupérer ces livres pour leurs enfants, les livres de RDA. Et parfois, on dit qu'ils sont meilleurs que ceux que l'on trouve aujourd'hui. Et là, derrière, c'est mon espace privé. Parce que pour faire tout ça, j'ai dû vendre ma maison pour pouvoir acheter cette grange et la petite maison. Voilà, un nouvel entrepôt. J'ai posé un nouveau plancher et il faut encore que je fasse tout le bardage avant l'hiver. Mais en ce moment, je n'ai pas l'argent. Vous avez des guides, des journaux régionaux, des guides de voyage touristiques, de la littérature enfantine, des magazines, et vous ne laissez rien de côté. Tout ce qui a été imprimé en RDA du 8 mai 1945, la fin de la guerre, jusqu'à la réunification. Tout ce qui a été imprimé en RDA est vendu officiellement ou sous le manteau, je le collecte. Et là, nous venons de franchir le mur rouge avec les œuvres complètes de Lénine, surmontées d'un portrait, et celle de Staline. Natürlich, wenn Lénin, das ist jetzt hat damit nichts zu tun. Oui. Aber das ist doch Lénin. Là, il y a Lénine, là Staline. Natürlich wird das auch gesagt. Alles, was in der DDR gedruckt wurde. Tout ce qui a été imprimé en RDA. Man muss doch nachsehen. Parce qu'on doit pouvoir vérifier qui a écrit quoi précisément. C'est comme ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, Karl Marx. Karl Marx. Ah non, Lénine. Là, il y a une double épaisseur. Non, même trois rangées les unes derrière les autres. Parfois, les livres sont encore en carton. On les sort progressivement. Et quand on voudra classer les éditions complètes de Lénine, on saura où chercher. Also braucht man etwas mehr Arbeitskräfte, ne? Die habe ich nicht. Mais il faudrait plus de monde pour faire ça. Vous êtes combien à travailler à la bibliothèque, Peter Zodan? Also mit Anton sind wir mindestens. Avec Anton le chat, au moins. Ute. Toi, Ute. Michaela. Detlef. Thomas. Fünf, sagen wir mal im Durchschnitt 6-8. En moyenne 6 à 8. Aber die meisten sind freiwillig. Mais la majorité sont bénévoles ici. Wenn noch jemand kommt, dann sind sie freiwillig, oder die anderen. Et les autres touchent un tout petit salaire. Woher das Geld nehmen? Où trouver l'argent? So, nous gehen wir wieder. Allez, on continue. Was ist das jetzt? Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais eine Medizin aktuell. Medizin aktuell, un journal. Die sammle ich auch. Je les collecte aussi. Mancher Arzt wird sich vielleicht freuen. Il y aura peut-être un médecin pour s'en réjouir un jour. On s'apprête à commémorer les 30 ans de la chute du mur, Peter Zodan. Comment trouvez-vous que cet événement est commémoré aujourd'hui en Allemagne? Na so, dass man den Ostteil Deutschlands. Je pense qu'on oublie la partie est de l'Allemagne. Das ist kein gesamtdeutsches Jubiläum, sondern das ist dann ein westliches Jubiläum. Ce n'est pas une commémoration de l'Allemagne unie, c'est une commémoration de l'Ouest. Ich habe in der DDR sehr gern gelebt. J'ai beaucoup aimé vivre en RDA. Trotz aller Missverhältnisse, die malgré es gab, tous les désaccords et les embûches qui pouvaient exister, y compris pour moi. Aber ich habe am Ende der DDR, mais à la fin de la RDA, j'ai dit, je ne souhaite pas conserver cette RDA-là. Nur in anderer Form oder in, sinon, in einer anderen sous une autre forme ou avec un autre esprit. Aber nehmen lasse ich sie mir nicht. Mais je ne me la laisserai pas enlever. Et de nombreux Allemands de l'Est se laissent prendre leur passé. Moi, non. Et qu'est-ce qui se passe quand on accepte de se laisser amputer de son passé? Dann verlieren Sie das Gehirn. On perd la tête. Weil der Spruch von Erich Kästner, der da oben war, ist, kann ich, ich sage ihn nochmal auf. Je vais vous citer un extrait d'Erich Kästner. Die Erinnerung ist eine mystérieuse Macht. Le souvenir est une force mystérieuse qui transforme les hommes. Wer vergisst, was schön war, celui qui oublie les belles choses devient méchant. Wer das vergisst, was schlimm war, celui qui oublie les choses terribles wird dumm. Devient bête. Manchmal hat man den Eindruck, et parfois on a l'impression, bei solchen Veränderungen, quand de tels changements se produisent, dummen, que l'on rencontre Menschen beaucoup beginnen. De méchants et de bêtes. Ja, verstehen Sie das? Vous comprenez? Naja. Toutes les traces matérielles de la République démocratique allemande ont disparu? Ja, natürlich sehr vieles, das ist klar. Oui, bien sûr, aber beaucoup Karl de choses. Der Karl-Marx-Kopf in Karl-Marx-Stadt steht noch. Mais la tête de Karl Marx se trouve so encore groß, à Karl-Marx-Stadt, à Chemnitz. Et d'ailleurs, elle est tellement grosse qu'il sera difficile de la faire disparaître. Et j'espère qu'elle restera longtemps. Mais alors, ce que vous avez recréé ici, dans cette ancienne étable immense, perdue dans le Land de Saxe, qu'est-ce que c'est? Pour qui est-ce? Et qu'est-ce que ça représente? Für die, die nach mir leben. C'est pour ceux qui viendront après moi. Und für die, et pour ceux leichte Gehirnverletzungen haben, im spaßigen qui ont un petit grain, ja, die nicht mehr denken wollen, qui ne veulent plus penser, die nicht mehr denken können, ou bien oder falsch qui denken. Ne peuvent plus penser et pensent de travers. Donc c'est une bibliothèque contre l'oubli. Ja, so heißt meine Bibliothek. Oui, elle s'appelle comme ça. Wider dem Vergehen oder contre ce qui passe ou ce qui est emporté par le vent, en référence à un poème de Brecht, die Frau und der Soldat. La femme et le soldat. Wo der Soldat sagt, also, le soldat dit, nein, ich bin der Starke, und je suis Frau le fort, sagt ihm, nein, et la femme dit, du verwehst, non, wie der toi Rauch. Aussi, telle la fumée, tu seras emporté par le vent. Schluss aus. Allez, c'est fini. Спасибо большое. Ok. Good. C'était Peter Zodan, une bibliothèque contre l'oubli. Avec Peter Zodan, Vincent von Wroblewski et la voix de Doris Streibel. Merci à Tatiana Wulfert et Stéphane Zekian. Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Daphné Abgral. Un documentaire de Marie Chartron et Yvon Croisier. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'une plage à Berck-sur-Mer.